Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour de quatre contresens philosophiques initialement diffusés en février dernier. Aujourd'hui, deuxième contresens, l'homme est un loup pour l'homme. Contrairement aux apparences, la phrase « l'homme est un loup pour l'homme » ne signifie pas forcément que la vie en société est une guerre de chacun contre chacun. Ce qui est une autre phrase mal comprise, écrite par le même philosophe. Ce philosophe s'appelle Thomas Hobbes. Il est surtout connu pour avoir écrit un ouvrage de philosophie politique magistrale, « Le Léviathan », paru en 1651. Mais ce n'est pas dans ce texte qu'il affirme que l'homme est un loup pour l'homme, et la phrase beaucoup reprise dans l'histoire de la philosophie et de la littérature a fait l'objet de nombreux contresens. Le spécialiste de Hobbes, Luc Foineau, est avec nous ce matin en studio pour dissiper ce malentendu et rendre à cette formule sa juste richesse philosophique. Papa, pourquoi j'y arrive pas? Parce que mon amour, il faut que tu gardes bien la balle et la raquette. Bon, là. Tu vois? Ça va, tu t'es fait mal. Ça va, mon ami. Devant ma fille, Guido, quand même. Bordel de merde, devant ma fille. Le milieu t'aime pas, la police te cherche et tous les deux veulent te buter. Même moi, je peux plus te couvrir. Ouais, mais... Mais ma gauche, bordel. Putain, merde, y'a des règles, quand même. Des règles? Mais quelles règles? De quoi tu parles? La seule règle qui vaille dans ce monde, c'est celle de la jungle. Après, à chacun ses principes. À chacun sa morale. Bonjour Luc Foineau. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir à ce micro. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous enseignez la philosophie politique à l'EHESS, vous êtes l'auteur d'un ouvrage au très beau titre « Hobbes, la vie inquiète » qu'on trouve en folio chez Gallimard. On va commenter ce matin la phrase « l'homme est un loup pour l'homme ». Difficile de ne pas penser à une figure emblématique de hostile au reste de la société. En l'occurrence, vous avez entendu un extrait de Mesrine. Enfin, le film s'appelle « L'instinct de mort », un film de Jean-François Richet. Mesrine qui était considéré comme l'ennemi public numéro un. Et dans l'extrait, on entend bien, finalement, quelqu'un vient essayer de le tuer devant sa fille. Ce à quoi Guido, joué par Gérard Depardieu, lui répond, dit « mais enfin, il n'y a aucune règle, c'est la loi de la jungle, tu le sais bien ». C'est ça que ça veut dire, que l'homme est un loup pour l'homme? Alors pas exactement en fait, cette phrase du film Mesrine renvoie à autre chose, renvoie finalement au milieu du grand banditisme, et le milieu du grand banditisme renvoie à l'inverse d'un certain point de vue de ce que l'on entend par état civil. Donc dire c'est la loi de la jungle pour décrire la situation à l'intérieur même de l'État constitue, par rapport à la représentation du politique que Hobbes voulait nous donner, une sorte de contresens, mais de contresens en même temps significatif, puisque ce que le compagnon de Mesrine veut lui indiquer, c'est que finalement, à partir du moment où on est un bandit, un hors-la-loi, eh bien, on n'appartient plus, on ne peut plus être protégé en quelque sorte par les règles qui régissent la vie civile, et donc Mesrine peut être tué devant sa fille, et ce qu'on vient d'entendre dans l'extrait se passe précisément lorsque les règles de la vie civile ne s'appliquent plus. Alors est-ce que ça veut dire que ce qui se passe avec Mesrine s'appliquerait davantage non pas à l'existence de l'homme en société civile et au sein de l'État, mais dans ce que Hobbes appelle l'état de nature? Alors oui, sans doute, enfin, bien que le terme d'état de nature, c'est un terme lui-même, c'est un concept en fait, c'est une invention. On l'utilise aujourd'hui comme s'il s'agissait d'une... On le pense, l'état de nature, aujourd'hui à la manière de Darwin, comme s'il s'agissait d'une description, finalement, des relations entre les espèces, ou là en l'occurrence entre les individus. Mais lorsque Hobbes crée ce concept, d'une part il ne crée pas seulement le concept d'état de nature, il crée une distinction entre état de nature et état civil, et l'état de nature ne lui sert qu'à une seule chose, à nous permettre de penser la différence qu'il y a entre vivre en société, protégé par des lois, et vivre hors de la société, dans cet état qu'il désigne comme un état de nature, et il ajoute, cet état de nature, tel qu'il le pense, hein, théoriquement, est aussi un état de guerre. Mais le point sur lequel il faut insister, c'est que l'état de nature, ça n'est pas une description factuelle de relations entre des personnes. C'est une idée. Une idée de ce une que fiction, serait... Une fiction même, dit-il, non ? Alors, on pourrait dire une fiction, enfin, on parlerait plutôt d'hypothèse, hein, et sur le rapport au réel, il y a tout un ensemble de discussions sur lesquelles je n'insisterai pas, mais une fiction, oui, une fiction qui nous permet de comprendre ce que veut dire vivre en société, ce qu'est une vie civilisée, et donc Hobbes, d'un certain point de vue, introduit le concept d'état de nature pour nous permettre de penser les conditions d'une vie sociale à peu près civilisée. Mais l'intérêt de ce concept aussi, c'est d'être un concept limite. C'est-à-dire qu'on le sent bien, et dans l'extrait que vous nous avez fait écouter, c'est particulièrement marquant, on sent bien à certains moments dans notre existence sociale que nous basculons de l'autre côté. Alors certes, il y a des règles, etc., mais nous nous trouvons parfois dans notre lieu de travail, parfois quand on est à l'étranger, dans des situations qui sont des situations dans lesquelles les règles ne s'appliquent plus. Oui. Et c'est ça aussi, l'état de nature, c'est une situation dans laquelle des relations interhumaines, dans lesquelles un certain nombre de règles, aussi bien morales que politiques, ne s'appliquent plus. Et c'est ça qui intéresse Hobbes. Peut-être faut-il le présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas ce philosophe avant qu'on entende ensuite le texte où il emploie cette formule. Oui, et je pense qu'une chose que j'avais envie de dire ce matin à propos de ce Thomas Hobbes, qui est né en 1588 en Angleterre et qui meurt en 1679, c'est que le texte dont est extrait la fameuse phrase « L'homme est un loup pour l'homme », d'ailleurs qui est une citation, c'est pas une phrase de Hobbes, mais il cite un auteur latin, ce texte est écrit à Paris. Il l'écrit en novembre 1641 et c'est une épître dédicatoire, c'est-à-dire il adresse son livre du citoyen. Le livre s'appelle Du citoyen. Le livre il est écrit s'appelle avant le Léviathan. Voilà, c'est ça. Ce livre s'appelle Du citoyen. Il est écrit avant le Léviathan en 1640. Il paraît à Paris en 1642 et donc lorsque Hobbes écrit cette épître dédicatoire, en fait, il est en exil. C'est un philosophe exilé qui formule cette chose et cette phrase. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un philosophe qui va être l'observatoire depuis la France pendant 12 ans, puisque son exil va durer 11 ans. Pendant 11 ans, il va observer les événements qui se passe de l'autre côté de la Manche, c'est-à-dire en Angleterre. La guerre civile. La guerre civile. Et donc, c'est pour ça que cette phrase « L'homme est un loup pour l'homme » renvoie très directement, lorsque Hobbes l'utilise, à l'idée que son pays est en train de basculer dans la guerre civile. Donc il écrit ce texte à un moment où l'Angleterre n'est pas encore dans la guerre civile, est en train de basculer dans la guerre civile, puisque le roi Charles Ier est décapité en janvier 1649. Et nous sommes en novembre 1641 à Paris. Est-il vrai qu'il s'exile volontairement ? Absolument, il s'exile volontairement parce que, en fait, un premier parlement a été convoqué par le roi Charles Ier en avril 1640. Ce parlement ne donne pas au roi ce qu'il souhaite obtenir, c'est-à-dire des impôts pour faire la guerre. Et donc le roi congédie les parlementaires. Les parlementaires ne sont pas contents. Un second parlement va être, élu. Et lorsque le second parlement est élu, Hobbes se sent menacé. Et parce qu'il est monarchiste, il soutient le roi. Parce qu'il est monarchiste, parce qu'il est du côté... Donc il y a deux camps dans la guerre civile. Il y a les monarchistes, ceux qui sont du côté de Charles Ier, et puis de l'autre, les parlementaires. Cromwell. Cromwell va sortir de ce parti des parlementaires. Et donc, lorsque Hobbes décide de partir, c'est parce qu'il se sent menacé par le nouveau parlement. Un parlement qui va être le parlement de la Révolution anglaise. Et c'est quelqu'un de connu à l'époque, Hobbes ? Alors, il est connu des milieux royalistes, mais il n'est pas connu comme sa gloire va venir, en fait, avec le texte dans lequel se trouve la fameuse phrase « L'homme est un loup pour l'homme ». C'est-à-dire, c'est la parution en 1642 du Decivi en latin, qui va contribuer à la célébrité de Hobbes dans l'Europe du XVIIe siècle. Et puis bien sûr après, l'apparition en anglais du Léviathan à Londres, cette fois-ci en 1651, va asseoir sa réputation. Puisque, bien évidemment, non seulement le Léviathan est un très grand livre de philosophie politique, probablement le plus grand livre de philosophie politique du XVIIe siècle, mais c'est aussi un livre avec un titre génial. Hein, Léviathan, figure de monstre, de quoi parle-t-il? De qui parle-t-il? Pourquoi utiliser la figure d'un monstre pour nommer un livre? Eh bien, c'est... Et pour parler de l'État, surtout. Et pour parler de l'État, voilà. Ouais. Ce Léviathan, en fait, qui est une figure de poisson biblique qu'on trouve dans le livre de Job, lui permet de parler de l'État. Et c'est à propos de l'État, précisément, que notre formule, la formule sur laquelle nous réfléchissons aujourd'hui, cette formule, effectivement, prend pleinement son sens. Puisque, finalement, le loup dont il est question dans la formule concerne davantage les États dans leurs relations les uns avec les autres que les individus. Oui, alors ça, c'est vraiment une chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et on va y revenir, Luc Foineau. Je vous propose qu'on écoute le texte, l'épître dédicatoire donc du livre du citoyen. Est-ce que vous voulez en dire un mot avant qu'on l'entende ou on l'entend et on commente? On l'écoute. Allez, et c'est donc le texte. Faites attention aussi à ce style incroyable de Thomas Hobbes. Le texte est lu par Bernard Gabet. Le peuple romain, que le souvenir des Tarquins et l'organisation de leur État avaient rendu hostile au roi, avait ce mot prononcé par la bouche de Caton le censeur, que les rois sont tous de l'espèce des carnassiers. Mais ce peuple romain qui a dévasté presque toute la surface de la terre, quelle fauve est-il donc? Pontius Télésinus ne parlait donc pas moins sagement que Caton. Alors qu'il se battait contre Sylla à la porte colline et qu'il parcourait les rangs de son armée, criant qu'il fallait détruire et anéantir Rome, il ajoute: il existera toujours des loups pour ravir la liberté de l'Italie tant que ne sera pas abattue la forêt où ils ont coutume de venir se réfugier. Il ne fait aucun doute que les deux formules sont vraies. L'homme est un dieu pour l'homme et l'homme est un loup pour l'homme. La première, si nous comparons les citoyens entre eux. La seconde, si nous comparons les États entre eux. Là, l'homme parvient par la justice et la charité, qui sont des vertus de paix, à ressembler à Dieu. Ici, même les hommes de bien doivent, à cause de la dépravation des méchants, et s'ils veulent se protéger, recourir aux vertus guerrières, la force et la ruse, c'est-à-dire à la rapacité des bêtes. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et nous examinons quatre contresens philosophiques cette semaine. Hier, on parlait du « connais-toi toi-même » dans la version socratique avec Fulcran Tesserin. Ce matin, « L'homme est un loup pour l'homme », la phrase est de Thomas Hobbes. Le philosophe Luc Foineau est avec nous en studio pour essayer de la comprendre. Et le texte que vous avez entendu, eh bien la contextualise et on découvre, Luc Foineau, qu'en réalité, cette formule est incomplète. Elle est précédée par une autre phrase que l'on ne cite pas. « L'homme est un dieu pour l'homme et l'homme est un loup pour l'homme ». Il y a ici un chiasme qui est très emblématique de la pensée de Hobbes. Oui, tout à fait. J'insistais tout à l'heure sur l'importance de la distinction état de nature, état civil. Eh bien là, on a l'opposition entre deux formules. L'homme est un loup pour l'homme, l'homme est un dieu pour l'homme, que Hobbes reprend à la littérature romaine. Donc le début du texte nous plonge en quelque sorte en pleine guerre civile romaine, hein, la bataille de la Porte Colline. Il faut le rappeler parce qu'on l'a complètement oublié. Oppose des factions romaines, c'est la seconde guerre civile romaine et surtout c'est une bataille terrible. Il y a 50 000 morts enfin pendant cette bataille. Et donc ici, si Hobbes fait référence au contexte romain, c'est pour établir une relation entre ce qui s'est passé pendant la guerre civile romaine et ce qui risque de se produire en Angleterre si l'histoire suit le cours qu'elle est en train de prendre, à la fin 1641 et que le parti des parlementaires et le parti, disons, royaliste s'opposent. Mmh. Alors, l'opposition, le chiasme que vous, vous rappeliez tout à l'heure, renvoie à une idée très, très simple, qu'on peut formuler de manière simple. Dans l'état civil, s'applique, dans l'état civil, civilisé, protégé par les lois, là où existe l'État, les citoyens sont les uns par rapport aux autres comme des dieux. C'est-à-dire que dans cet état civil, nous pouvons en quelque sorte montrer le meilleur de nous-mêmes. Nous pouvons notamment agir comme des êtres capables de justice et de charité. Donc ce que Hobbes veut nous dire lorsqu'il utilise la deuxième formule, l'homme est un dieu pour l'homme, c'est que l'État, qui est cette figure inquiétante, effrayante, dotée de grande puissance, est en fait la condition pour nous permettre de vivre moralement les uns à l'égard des autres. Mais donc, il y va fort, parce que Dieu, l'homme est un... Dire que l'homme peut devenir un homme meilleur est une chose, dire que l'homme est un Dieu pour l'homme, c'est autre chose. Oui, la formule est forte, mais elle indique en quelque sorte aux citoyens une voie qui pourrait être presque la voie de la sainteté, effectivement. Et c'est ça qu'il essaie de nous dire. Et il essaie de nous dire qu'il faut penser l'état civil. Cet état civil, c'est un état dans lequel, finalement, nous pouvons nous comporter moralement les uns à l'égard des autres. Alors que, dans l'état de nature, eh bien, les règles de la morale sont connues de tous. Les principes qu'il énonce sous la forme de loi de nature sont faciles à comprendre. Il faut aller vers la paix, il faut être accommodant avec les autres, etc. Donc ça, c'est toute la morale de la paix hobbesienne. Mais dans cet état de nature, ce qui manque, et c'est ça qu'il essaie de nous faire penser, ce qui manque, c'est la condition nous permettant de nous comporter de cette manière morale. Pourquoi ? Parce qu'en l'absence de l'État qui introduit un système de peine, de châtiment, etc., eh bien, finalement, celui ou celle qui cherche à se conduire charitablement ou justement, finalement, sera toujours perdant. Ça veut dire que sans État, pas de morale ? Ça veut dire que la morale existe, bien évidemment, indépendamment de l'État, dans le cadre d'une théorie du droit naturel. Mais cette morale, ces règles morales qui sont faciles à comprendre, puisque le principe de la morale pour Hobbes, c'est de faire en sorte de contribuer à la paix civile dans notre comportement individuel. Donc, toutes les choses que vous faites pour contribuer à la paix civile avec les gens qui vous entourent relèvent de la moralité. La difficulté, c'est que sans État, comme vous venez de le rappeler, sans cette garantie, en quelque sorte, qu'est l'État, eh bien, nous ne pouvons pas agir moralement. Nous pouvons penser moralement, c'est-à-dire avoir des intentions morales à l'égard d'autrui, mais lorsque nous agissons, nous devons agir autrement, nous devons agir nous devons agir soit comme le renard en étant rusé à l'égard d'autrui, soit comme le lion en nous imposant par notre force, mais nous ne pouvons pas nous conduire, en fait, je sais pas quel est l'exemple qu'il faudrait prendre, parce que j'allais prendre celui de l'agneau. Et c'est vrai que comparer les citoyens vertueux à des agneaux, même s'il y a toute une dimension biblique, effectivement, derrière cette image de l'agneau, est quelque chose qui a du mal à passer. Mais en fait, c'est bien ça qu'il veut nous dire. C'est-à-dire que nous pourrions nous comporter comme de gentils animaux, à l'intérieur de la société, nous ne pouvons nous conduire comme de gentils animaux à l'intérieur de la société que parce qu'il existe un État. Et donc... Ouais. Mais est-ce que cette dimension morale est celle qui, non seulement qui justifie, mais qui encourage l'homme à former une société ? Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement, ce que j'appellerais sans doute maladroitement, en tout cas j'imagine ce ne sont pas les termes de Hobbes, une forme d'instinct de survie ? C'est qu'à l'état de nature, s'il y a une hostilité qui règne, on ne peut pas survivre. L'état chez Hobbes est aussi le résultat d'un intérêt bien compris avant même d'envisager la dimension morale. Absolument. Mais cette dimension morale est liée elle-même à cet intérêt bien compris. Il n'y a pas une dissociation chez lui entre une morale, idéale, et puis d'autre part les conditions réelles de la survie. Le point de départ pour Hobbes, c'est une distinction sur laquelle je voudrais insister, c'est l'opposition qu'il y a entre les lois morales d'un côté et la voie des lois morales. Hein, donc c'est vraiment une possibilité d'aller dans la direction des lois morales si nous sommes protégés par l'État. Et puis de l'autre, la voie du droit naturel. Et le droit naturel, c'est ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire cette disposition rationnelle qui consiste à mettre en œuvre l'ensemble des moyens permettant d'assurer notre survie. Pourquoi et donc, c'est du droit. Pourquoi droit naturel? Eh bien, droit naturel parce que le droit ici fait référence simplement à la rationalité, parce que c'est rationnel. Oui, parce qu'il n'y a pas encore d'État là, donc c'est difficile de parler de droit alors qu'il n'y a pas de structure étatique ou juridique. Mais c'est un droit naturel. Ça n'est pas un droit positif, c'est un droit naturel et naturel ici, droit ici, il faut le comprendre par rapport au fait que c'est la bonne manière de se conduire. Si vous conduisez selon droit dans rectitude, droit dans la rectitude du raisonnement pratique. D'accord. C'est votre raisonnement pratique qui vous conduit à agir de cette manière-là. Si vous êtes dans l'état de nature, votre raisonnement pratique vous conduit à mobiliser l'ensemble des moyens qui sont les vôtres pour assurer votre survie, y compris au détriment de la vie des autres. C'est ça. Ce qu'on a envie d'appeler la loi du plus fort. Ce qu'on a envie d'appeler la loi du plus fort, qu'on appelle très justement la loi du plus fort, parce que et cette, je pense que bon, le droit du plus fort est toujours le meilleur, effectivement, est une formule qui intervient dans la poésie française à peu près au même moment où Hobbes ou un peu plus tard que le Dekiwe, mais au XVIIe siècle. Et ce que Hobbes veut dire par sa théorie du droit naturel, effectivement, c'est que dans l'état de nature, la rationalité, c'est de faire jouer le droit du plus fort. Ça, c'est le droit de nature et vous le distinguez de la loi de nature, c'est ça ? Absolument. Donc, vous pouvez définir la loi de nature ? Alors, la loi de nature, c'est justement l'ensemble des moyens que l'on va utiliser pour permettre et contribuer justement de passer d'un état de guerre entre les personnes à un état de paix. En fait, la loi de nature, faut pas la loi morale, la loi nature, faut pas la penser comme des préceptes édifiants, moralisateurs. C'est pas du tout ça. La loi de nature, c'est une sorte de règle de la raison. Ce sont des préceptes de la raison qui nous indiquent comment nous en sortir. En fait, il y a quelque chose de vital également dans la moralité telle qu'elle est pensée par Hobbes. C'est l'ensemble des règles qui, dans nos relations avec autrui, hein, c'est pas une moralité de savoir comment je vivre bien pour être heureux, etc. C'est pas ça du tout. C'est un ensemble de règles qui nous indiquent comment faire pour tenir compte du fait que nos relations avec autrui peuvent être des relations conflictuelles. Donc, lisez Hobbes pour comprendre comment vous en sortir. Si dans vos relations avec autrui, vous sentez de l'agressivité, de la tension, etc., eh bien, Hobbes va vous donner de bonnes raisons pour, disons, adopter un certain nombre de conduites. Par exemple, je l'évoquais tout à l'heure, l'une des lois de nature, la pas très connue, c'est le fait d'être accommodant. Qu'est-ce que ça veut dire d'être accommodant ? Vous êtes dans une situation professionnelle un peu tendue. Bah, une possibilité, c'est d'aller à l'affrontement, état de nature. Vous faites la guerre à votre chef, à votre collègue, etc., quelles que soient les raisons. L'autre attitude, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent de contourner, en quelque sorte, ces raisons, hein, de l'affrontement, etc., et d'essayer de construire les conditions de la paix. Bah, la morale hobbesienne nous donne des éléments pour construire ces conditions de la paix, que ce soit au niveau local, hein, j'évoquais une situation professionnelle, ou au niveau, disons, de la communauté politique dans son ensemble, puisque il s'agit dans les deux cas de s'en sortir. Hein, la question de trouver la paix. En fait, c'est ça qui l'obsède. C'est trouver la paix, et c'est ça qui l'obsède, et c'est ça qui est au cœur de sa théorie morale. C'est pas la justice en tant que telle, c'est de trouver la paix. Puisque c'est un penseur, il vit à un moment où son pays va basculer dans la guerre civile. Ben, quand votre pays va basculer dans la guerre civile, votre préoccupation première, quand vous êtes un gouvernant ou quand vous êtes une citoyenne ou un citoyen, c'est de se dire comment éviter cette situation. Et oui, et le problème pour nous autres lecteurs du XXIe siècle, c'est que la solution proposée par Hobbes nous paraît difficilement recevable. Étatiquement, pour que la paix puisse avoir lieu, il propose un souverain absolu, unique, indivisible, au-dessus des lois, auquel chaque citoyen va transférer toute sa faculté décisionnelle. Et c'est à ce prix, nous dit Hobbes, que nous pourrons vivre dans la paix. C'est ce qu'on appelle une sorte de dictateur aujourd'hui, non ? Alors effectivement, présenté comme vous venez de le faire... Mais c'est mon rôle, je me fais l'avocat du diable. Mais c'est très bien, c'est parfait. Oui, effectivement, on pourrait dire... Et d'ailleurs, certains auteurs qui ont lu Hobbes, et notamment des gens qui ont lu la tradition républicaine romaine, des gens qui sont des grands lecteurs, des républicains, se disent finalement ce que propose Hobbes, c'est une forme de despotisme. C'est le terme qu'on utilisera au XVIIIe siècle pour désigner finalement le système de Hobbes. La lecture que j'en propose est un petit peu différente par rapport à celle-ci. J'essaie simplement de comprendre, puisque de fait, nous avons des États. Certes, nous vivons dans des régimes plus ou moins démocratiques, nous avons cette chance, mais derrière le régime démocratique, il y a la police, les services secrets, l'armée. Bien, je veux dire, ce que Hobbes nous disait, et le résumé, disons, de la thèse de Hobbes d'un point de vue politique, c'est de dire, si vous voulez pouvoir vivre pacifiquement dans un espace qui est celui de la communauté politique, il vous faut de la police, de l'armée et des services secrets. Et alors par rapport à cette affirmation... Oui, ça c'est pas le signe du despotisme, ça, pour le coup, c'est... Alors, c'est pas le signe du despotisme, alors là, j'irai plus loin que le diable, c'est que, dont vous faites le porte-parole. C'est pas loin de... La difficulté, en l'occurrence, c'est que entre un État démocratique, libéral, bon, on va dire le nôtre, on a toujours un... Et puis, la Russie de Poutine, alors immédiatement, on va se dire, oui, tout de même, regardez ce qui se passe. Mais de fait, dans les deux États, il y a une armée, il y a de la police, et on sait que la police française aussi peut avoir, disons, la dent dure, et il y a des services secrets. Et donc, quand on regarde effectivement le cœur de l'État, non pas les principes, non pas les constitutions, non pas les régimes, mais quand on regarde dans les yeux, en quelque sorte, l'État lui-même, eh bien... des différences qui nous semblaient fondamentales, essentielles, ont tendance effectivement à disparaître. Et j'en donnerai pour preuve, pour revenir à notre formule « l'homme est un loup pour l'homme », le fait que Hobbes nous demande d'interpréter cette formule, non pas du point de vue essentiellement de nos relations interpersonnelles, ce serait un contresens que de l'interpréter uniquement du point de vue de nos relations interpersonnelles, mais du point de vue des relations, des états, les uns par rapport aux autres. Ça change tout. De dire que l'homme est un loup pour l'homme est en réalité une formule qui s'applique aux relations entre états et pas entre individus. On est près de... Enfin, c'est ce que le théoricien Carl Schmitt a proposé ensuite. C'est la politique, au fond, c'est savoir désigner ses ennemis et que c'est la relation d'inimitié qui caractérise les états, qui est l'essence de la politique, non? Alors bon, j'ai oui, effectivement, c'est exact. Simplement, Carl Schmitt a fait une interprétation de Hobbes avec laquelle je ne suis pas d'accord. Donc j'essaie de défendre une position différente par rapport à cette lecture, c'est-à-dire que il me semble que ce que Hobbes voulait dire quand il décrit ces relations entre les États dans un système d'État qui est tout nouveau. Qui est tout nouveau, non, qui est en train de se former en 1641, le traité de Westphalie qui pose la base des relations interétatiques ou des relations internationales telles que nous les connaissons aujourd'hui, n'a pas encore été signé. Donc en fait, ce que Hobbes essaie de penser, c'est dans l'ordre intérieur, le fait que l'État est la condition pour nous assurer la paix, dans l'ordre international, le fait que les États sont des loups pour les États seront toujours en guerre les uns par rapport aux autres. Pour autant, la théorie des relations internationales de Hobbes, qui n'est pas une théorie positive, c'est une théorie du droit naturel également, nous dit que les États, s'ils comprennent véritablement les intérêts qui sont les leurs, doivent chercher à être accommodants autant que possible les uns par rapport aux autres. Mais comme on n'est jamais certain que notre voisin ou des États un peu plus lointains seront accommodants avec nous-mêmes en tant qu'État, eh bien, il faut prendre toutes les dispositions pour éviter le moment où les relations passeraient de l'amitié à l'inimitié. Ce que dit Carl Schmitt est différent. Oui. Ce que dit Carl Schmitt est différent, d'une part parce que Carl Schmitt considère que lorsqu'il écrit dans les années 20, dans les années 30, nous ne sommes plus dans le système international que Hobbes va connaître dans la seconde partie de sa vie. Nous ne sommes plus dans un système dans lequel les États s'équilibraient les uns les autres. Donc, il décrit un autre ordre international. Et puis aussi parce que Hobbes ne pense pas le politique comme Schmitt voudrait le lui faire dire, dans les termes de la relation ami-ennemi. Hobbes n'insiste pas, disons, dans sa théorie des relations internationales, qui est très courte d'ailleurs, hein, il y a quelques paragraphes, il n'insiste pas sur cette notion d'amitié ou d'inimitié avec les autres États. Donc ça, c'est Schmitt qui a introduit cette chose-là. Mais alors pourquoi Hobbes dit-il l'homme et pas l'État est un loup pour l'État? Si en fait c'est ça que ça veut dire. Il le dit parce qu'il cite en fait, hein, et c'est une Plaute, citation... C'est ça Plaute, et donc c'est une citation qu'il reprend parce que c'est un texte d'apparat, c'est une épître dédicatoire qu'il dédie à son ancien élève, hein, William Cavendish, un grand, aristocrate anglais. Et donc, quand vous faites un texte d'apparat, bah, vous citez les Romains, vous citez les Latins. Et donc il reprend Plaute, mais il donne à la formule « l'homme est un loup pour l'homme », il le dit très explicitement, un autre sens. C'est-à-dire, il faut penser ici l'homme comme l'État. Mais si on y réfléchit, regardez l'image fameuse du frontispice du Léviathan, la page, si vous voulez, titre du Léviathan. Sur cette page, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'État. Mais à quoi ressemble l'État? Cet État ressemble à un homme dont le corps est composé de petits hommes. Donc, dire « l'homme est un loup pour l'homme » en pensant « l'État est un loup pour l'État », renvoie très précisément à ce que Hobbes veut faire, c'est-à-dire nous conduire à penser l'État comme un homme en grand. Oui, il a une version personnaliste, personnalisée de l'État, au fond. Il est oui, exactement, c'est tout à fait, c'est très juste. C'est-à-dire que c'est le concept, disons, latin de persona, de personne, qu'il utilise pour penser l'État. En fait, on a pu dire, la grande invention de Hobbes, c'est d'appliquer le concept, disons, des glossateurs, des juristes, des juristes, le concept de personne qu'on utilisait pour penser des corporations, les corporations, même un pont, une église, on les pensait de manière personnelle, mais personne n'avait jamais pensé l'État lui-même, c'est-à-dire la communauté politique, comme une personne. Et ça, c'est les pages extraordinaires de Léviathan sur l'analyse de ce que c'est qu'une personne, avec l'étymologie de persona, qui est en fait le masque que l'on revêt. Ce sont des pages incroyables. Dans le chapitre 16 du Léviathan, effectivement, on a vraiment la description, en fait, des outils théoriques qui vont permettre à Hobbes de penser l'État comme une personne. Alors, pour nous, ça nous paraît, et puis, pensez à Louis XIV, quand Louis XIV dit l'État, c'est moi. Mais Louis XIV avait lu Hobbes. Ah oui. Ses précepteurs lui avaient fait lire Hobbes. Et donc, dans sa formation, Louis XIV naît en 1638. Le texte dont on parle est de 1640. Et donc, le petit Louis XIV, quand il a 10-12 ans, va lire le De Civitate. En latin, on peut imaginer. Et donc, lorsque Louis XIV dit « l'État, c'est moi », Il est hobbesien. Il est hobbesien. C'est un disciple parfait de Hobbes. Et cette idée de la personnification de l'État, c'est une réussite incroyable. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on pense les relations internationales, on les pense de manière personnalisée. C'est Macron et Poutine, Madame Merkel. Et donc, mais ces noms de personnes ne nous intéressent pas en tant que nom de personne, en tant que renvoyant à des personnes naturelles, il nous intéresse en tant que personnification d'État. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer à la démocratie dans la pensée de Hobbes? Alors, pas du tout, et Hobbes lui-même, et c'est pour ça que je reviens sur votre petite attaque tout à l'heure, très bien vu, mais tout de même... Une attaque, une pique. Une pique. Cette pique dit quelque chose de l'image qu'on se fait de Hobbes, c'est-à-dire c'est un défenseur du despotisme éclairé, mais quand on ouvre le Léviathan, on s'aperçoit que Hobbes est un défenseur aussi bien de la démocratie que de l'aristocratie ou de la monarchie. Il dit certes qu'il a une préférence pour le régime monarchique, mais il précise « mes préférences pour la monarchie ne sont fondées que sur des arguments vraisemblables ». La science elle-même, ce qu'il introduit comme étant de la science politique dans le De Civitate et dans le Léviathan, concerne la preuve de la nécessité de la souveraineté. Et de ce point de vue-là, cette souveraineté peut renvoyer à un régime démocratique, aristocratique ou monarchique. Et dans le premier chapitre de Hobbes, la vie inquiète, je commente justement sur Hobbes et la démocratie. parce que il a toute une théorie de la démocratie qui joue un rôle très très important en fait dans sa pensée et notamment dans le du citoyen dont on parle aujourd'hui. Quel est le lien entre le souverain et le loup, voire même le loup-garou? C'est la question qui est posée en ce moment. Le souverain, eh bien, c'est lui qui est, pour ainsi dire, légalement en dehors de la loi. C'est la figure par laquelle les droits, en se suspendant, en se retirant de l'exception, il l'implique en lui-même, et ainsi fonde son pouvoir d'application normal. On l'a toujours su, c'est bien l'exception qui définit la règle. Les lois d'Édouard le Confesseur qualifient le bandit de tête de loup et l'assimilent à un loup-garou. Ce qui devait demeurer dans l'inconscient collectif comme un monstre hybride, mi-humain, mi-animal, partagé entre la forêt et la ville, le loup-garou, est donc à l'origine la figure de celui qui a été banni de la communauté. Le fait qu'on l'appelle homme-loup, et non seulement loup, est ici décisif. La vie du bandit n'est pas un bout de nature sauvage sans lien aucun avec le droit et la cité. C'est, au contraire, un seuil d'indifférence et de passage entre l'animal et l'homme, la fusis et le nomos, l'exclusion et l'inclusion. Loup-garou précisément, ni homme ni bête, qui habite paradoxalement dans ces deux mondes sans appartenir à aucun d'eux. Os. Bonsoir. Qu'est-ce que tu fais? Je pars. C'est ma décision. Le loup-garou ne me quitte jamais. Il vit en moi. Je ne sais même plus où est la frontière entre moi et lui. Et jusqu'à ce que je comprenne, je ne veux pas être près de toi, ni de personne. Hops, Agamben et Buffy contre les vampires. Vous êtes bien sur France Culture, les chemins de la philosophie. On parle du loup et du loup-garou ce matin. L'homme est un loup pour l'homme. La formule est de Thomas Hobbes. Le philosophe Luc Foisneau est avec nous en studio pour en éclaircir les contresens. Et la voix que vous avez entendue juste avant était celle de Giorgio Agamben, qui est donc un philosophe contemporain italien, qui est un des lecteurs de Hobbes. Et dans l'extrait que vous avez entendu de sa voix et l'extrait de texte, qui est de sa plume aussi que vous avez entendu, il propose lui-même un commentaire, une réflexion sur la notion de souveraineté de Hobbes, et il fait un lien, et j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi, comment, Luc Foisneau, entre le souverain et le loup-garou, comme si les deux, l'existence de l'un impliquait l'autre. Quel est ce lien? Ils sont tous les deux hors la loi? Enfin, au-dessus de la loi? Alors, c'est la pensée d'Agamben est un peu difficile, mais je voudrais, pour répondre à votre question, je voudrais, et distinguer, parce que je ne suis pas convaincu par l'interprétation qu'Agamben donne de Hobbes. Donc, je voudrais simplement dire la chose suivante. On a vu que pour Hobbes, la chose importante, c'était la distinction entre l'état de nature et l'état civil. Ne surtout pas confondre l'un et l'autre. Ce que fait Giorgio Agamben, dans un ouvrage publié en 95 qui s'appelle Homo Sacer, ce qu'il fait, c'est de dire exactement l'inverse. C'est-à-dire, Giorgio Agamben essaie de nous expliquer qu'on ne peut pas penser l'état civil hors de sa confusion avec l'état de nature. Donc, c'est pour ça, et l'histoire du loup-garou que vous venez de rappeler, cette représentation de l'état comme loup-garou renvoie précisément à cette volonté d'Agamben de défaire ce que Hobbes a fait, c'est-à-dire remplacer la distinction par la confusion. Pour Agamben, dans l'état civil, finalement, il y a aussi de l'état de nature. Donc, on n'est jamais certain pour Agamben, à l'intérieur même de l'état démocratique libéral, que nous ne sommes pas dans un état totalitaire. Donc, la distinction entre des états de paix et des états de guerre devient impossible ou impensable. Et pourquoi cette distinction devient-elle impensable? C'est la faute à qui? C'est la faute au souverain. La toute-puissance du souverain, Hein, la toute-puissance du souverain que j'ai évoqué tout à l'heure avec ses instruments principaux, services secrets, police, armée, fait, selon Agamben, qu'il ne peut pas exister véritablement d'état de paix et que le souverain lui-même est en perpétuelle extériorité par rapport à cet état de paix qu'il est censé garantir. Et donc, l'image du loup-garou vient de cette idée de l'extériorité du souverain par rapport à l'état civil qu'il est censé garantir. Mmh. Le fait qu'il soit extérieur pose la question du rapport avec l'intérieur. Si vous êtes, si le souverain est entre l'extérieur et l'intérieur, ben, la question se pose, c'est la question de la porte. Hein, entre l'intérieur et l'extérieur, il y a une porte, il y a un seuil. Donc la question qui se pose à Agamben, c'est la question du seuil et la question du passage. Comment le souverain passe-t-il de l'un à l'autre, de cette personne, hein, pensez Poutine à la télévision russe, bon, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, hein, charmant, bien rasé, etc., propre sur lui, quoi. Et donc, en fait, vous voyez le souverain à la télévision, vous dites, ah bah voilà, quelqu'un de bien, et en fait, ces gens sont des gens horribles. Hein, donc, eh bien, ça, c'est bien la figure du souverain. C'est-à-dire, et Agamben essaie d'utiliser la figure du loup-garou. Hein, le loup-garou, c'est quoi? C'est une très vieille image. C'est l'idée d'une transformation, d'une métamorphose. Mmh. Le loup-garou est quelqu'un qui est capable de passer de l'état d'homme à l'état de bête sauvage. Mais, pour passer de l'un à l'autre, il y a des seuils. Et tout le problème et toute l'angoisse, il y a presque quelque chose d'une inquiétante étrangeté dans la métamorphose du loup-garou, c'est que, parce que le loup-garou, bah, à la ville, il est marié. Donc tout va bien. Hein, on croirait presque charade de Stanley Donen, vous savez, on ne sait pas qui est la personne avec qui voilà, on vit, etc. On s'aperçoit que c'est un monstre, ce genre de choses. Eh bien, dans l'image du loup-garou, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire que ce loup-garou à la ville, il est marié, et puis en fait, la nuit, il part dans les forêts. Et il se transforme progressivement, c'est-à-dire il y a un moment où il n'y a plus que la tête d'homme, et le reste, c'est le corps du loup, etc. Et alors, la situation très embarrassante d'un point de vue conjugal, c'est lorsque la femme du loup-garou ouvre la porte et découvre que son mari est mi-homme mi-bête. Ouais. Bon, et ça alors, bon, c'est cette idée, ça, cette idée du loup-garou, Agamben l'applique pour penser l'État. Oui, mais c'est ça, parce que dans le texte qu'on a entendu, s'y pense le bandit, pas le souverain, sous forme de loup-garou. Oui, mais entre le bandit et le souverain, la différence est parfois penser à la responsabilité de la France au Rwanda, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait effrayant de se dire que les souverains, le président socialiste élu, etc., aient pu cautionner la présence ou la présence, oui, et même l'implication de l'armée française au moment du génocide. C'est quelque chose qui est tout à fait de l'ordre de cette transformation. Comment l'État transforme-t-il les gens? En fait, devenir homme ou femme d'État, c'est subir finalement cette transformation. Et l'image du loup-garou, de ce point de vue-là, est assez intéressante. Donc ça, c'est ce que dit Agamben, et vous disiez que vous n'étiez pas d'accord avec lui. Alors, je n'étais pas d'accord avec lui sur le fait de soutenir une totale... Alors, il y a deux points sur lesquels ouais. Je ne suis pas d'accord avec lui. Le premier point que je ne répéterai pas, Hobbes défend la distinction. Si vous êtes dans l'état de nature, vous n'êtes pas dans l'état civil. Si vous êtes dans l'état civil, vous n'êtes pas dans l'état de nature. Bon. Agamben, lui, soutient que l'on peut être dans l'état civil et en même temps dans l'état de nature. Mais il y a un deuxième point qui distingue ces deux auteurs, c'est le fait, leur rapport à la règle juridique, à la norme juridique. Agamben, Hobbes plus exactement, je commence par Hobbes, nous dit que finalement le problème de la règle juridique, c'est le problème de son application. Voilà, il y a une norme, il y a une règle, on le voit bien avec le Covid, il y a plein de règles sanitaires, et pour Hobbes, la question c'est de faire en sorte que la règle qui a été énoncée puisse être appliquée. Voilà, c'est le problème juridique, je simplifie, hein, c'est beaucoup plus compliqué, mais bah, le problème juridique, on va dire que pour Hobbes, c'est il y a une règle, comment faire pour qu'elle soit appliquée. Pour Agamben, qui est de ce point de vue-là un lecteur de Carl Schmitt, hein, le juriste allemand que vous avez cité tout à l'heure, du début du XXe siècle. Donc pour Agamben, le problème de la règle n'est pas celui de son application, le problème de la règle est celui de l'exception. Agamben nous dit, une règle n'a d'intérêt que par rapport, non pas par rapport aux cas normaux auxquels elle s'applique, mais par rapport aux cas exceptionnels qui, d'un certain point de vue, la mettent en échec. Donc, c'est pour ça qu'Agamben va écrire un livre sur l'état d'exception, et c'est pour ça qu'Agamben passe son temps à réfléchir à l'exception. Mais pour revenir à la question de la souveraineté, Agamben reprend également la définition de la souveraineté, non pas de Hobbes, mais de Carl Schmitt, et de ce point de vue-là, Agamben est un schmittien. Cette définition de Carl Schmitt de la souveraineté consiste à dire qu'est souverain celui qui peut décréter l'état d'exception. Et donc on a un renversement complet par rapport à Hobbes. Hobbes nous dit le souverain est celui qui permet de créer la situation normale dans laquelle on va pouvoir vivre sans masque, dans lequel on va pouvoir entretenir des relations pacifiques avec autrui. Ça, c'est la situation de Hobbes. Agamben nous dit le souverain est se définit par la possibilité de nous faire sortir à tout moment de cette situation normale. Donc on a une sorte de renversement dans la pensée même de la fonction de la souveraineté. Mais les deux sont peut-être compatibles, non ? Enfin, c'est pas forcément contradictoire. D'un côté, le souverain est celui qui essaie de nous faire vivre en paix. De l'autre, c'est celui qui a le pouvoir de nous de décréter un état d'exception. Oui, non, c'est pas. Vous avez raison. Mais alors pour interpréter simplement le en même temps, j'ai des difficultés avec le en même temps. C'était pas tellement le en même temps que je prenais qu'une absence de contradiction frontale. Les deux, semble-t-il, sont même d'un point de vue purement pragmatique et réaliste, les deux sont compatibles. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Alors, les deux sont compatibles, mais j'ai tendance, pour ma part, à vouloir interpréter, à vouloir maintenir la distinction. C'est mon côté. Agamben est un disciple de Heidegger. C'est l'idéalisme allemand qui s'exprime dans sa philosophie. J'ai toujours eu du mal avec l'idéalisme allemand. Et je suis plutôt une pensée du XVIIe siècle. Pensée d'entendement, dirait Hegel. Et dans le cadre de cette pensée d'entendement, eh bien, je veux dire, c'est soit A, soit B. C'est pas A et B en même temps. Ça peut être A et B en même temps, mais à condition de distinguer les points de vue. Et là, en l'occurrence, par rapport au cas que vous évoquez, il faut distinguer en quelque sorte les fonctions de la souveraineté. La fonction de la souveraineté qui consiste à établir et à garantir les conditions d'une vie normale dans l'État n'est pas la même chose que la fonction de la souveraineté qui vise à nous défendre et qui vise effectivement à mettre en œuvre un certain nombre de moyens qui peuvent être des moyens qui sont ceux de la guerre. Donc l'État qui fait la guerre n'est pas l'État qui veut la paix. Non, mais alors allons plus loin justement, parce que ça c'est vraiment passionnant. Dans quelle mesure est-ce que le maintien de la paix nécessite un recours à une forme de violence qu'on voudrait appeler légitime? Vous avez pris à plusieurs reprises les exemples de l'armée, des services secrets et de la police. Est-ce que, pour Hobbes, et peut-être pour vous, ce sont des moyens qui doivent être légitimement en la possession de l'État pour pouvoir faire appliquer la paix? Est-ce qu'il y a cette idée-là d'une violence légitime chez Hobbes? Alors, Au nom de la paix. C'est là où ça devient compliqué. En fait, pour dire les choses très précisément par rapport à ce que je considère comme étant la thèse de Hobbes sur l'État, ces moyens qui sont des moyens violents, indéniablement, n'ont de sens que par rapport à une finalité qui est de garantir les conditions de vie normales à l'intérieur de l'État. Ceci étant dit, vous avez raison, le fait de disposer de ces moyens d'une puissance considérable ne peut pas pose un certain nombre de problèmes spécifiques, puisque ces moyens visent en quelque sorte à assurer à un certain endroit des conditions de la paix. Mais peut-être que pour assurer à ce certain endroit les conditions de la paix, il faut que l'armée française intervienne au Sahel. Et ce qui se passe au Sahel, c'est pas la situation des gens qui vivent au Sahel actuellement, c'est pas précisément les conditions de la paix. Non. Donc la question, ce qu'il faut poser, c'est la paix pour qui? La paix pendant combien de temps? Et quel est le prix à payer pour les moyens de la paix? C'est ça. La fin justifie-t-elle les moyens? La paix justifie-t-elle le recours à la violence temporaire? C'est la thèse de Hobbes. C'est le mode de fonctionnement de tous les États aujourd'hui dans le monde. Cette idée d'État, d'ailleurs, qui est une invention française, puisque c'est Jean Bodin au XVIe siècle qui invente cette manière de penser l'État. Cette théorie de l'État, effectivement, c'est une décision dans l'ordre du politique qui consiste à dire que si ces moyens de violence peuvent avoir une légitimité, je dis bien peuvent avoir une légitimité, je ne dis pas qu'ils l'ont, mais s'ils peuvent avoir une légitimité, c'est dans la mesure où ils vont permettre d'assurer la paix à un certain endroit et pour une certaine communauté politique. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est à quel prix pour ceux qui sont à l'extérieur de cette communauté politique. Et puis aussi, à quel prix pour ceux qui sont à l'intérieur de cette communauté politique, dans certaines circonstances, je pense par exemple à la répression du mouvement des Gilets jaunes, qui doit nous donner à réfléchir sur, finalement, la finalité de l'usage des moyens de la violence par un État. Qu'est-ce que ça veut dire que ces moyens... C'est pour ça que les gens étaient choqués, parce qu'ils disent bah, c'est vous et moi, quoi. C'est des gens voilà, qui ne se caractérisent pas, qui ne viennent pas nécessairement de l'immigration, hein, parce qu'on sait très bien que le traitement de l'immigration en France est différent du traitement de la population, entre guillemets, normale. Et donc, ce traitement différencié, en quelque sorte, lorsque la force publique se retourne contre une population qu'elle est censée protéger, on se pose la question, quelle est véritablement la finalité de l'État? Est-ce que l'État remplit sa finalité? Et surtout, on s'interroge sur ce qu'est l'État. Et aussi, on s'interroge sur cette formule souvent reprise, l'État, le monopole de la violence légitime. Physique légitime. Ce monopole de la violence physique légitime, eh bien, se trouve en quelque sorte, le légitime devient très fragile. Et en même temps, c'est intéressant du point de vue de la théorie politique. Ouais. Parce qu'on se demande, ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que Hobbes avait raison? Eh ben, c'est toute la question. Il y a une dernière question que j'aurais pas le temps de vous poser. Enfin, j'aurais le temps de vous poser, mais vous pas d'y répondre. C'est sur la légitimité du choix du loup. Il y aura un commentaire éthologique à faire. Le loup n'est pas, d'ailleurs, ce prédateur pour l'homme. Et je renvoie au travail de Baptiste Morisot, notamment, qu'on a reçu à ce micro et qui le dit très bien. Merci beaucoup, Luc Foineau. Merci à vous. Vous êtes venu nous parler de Hobbes ce matin. Je renvoie à La vie inquiète, votre livre. Et vous préparez, ça apparaîtra le 18 mars, une réédition de Hobbes et la toute puissance de Dieu. On mettra cette bibliographie en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. On se quitte avec le cha-cha-cha du loup. Connais-tu l'histoire que me racontait ma nounou? C'est une belle histoire que j'écoutais sur ses genoux. Si le cœur t'en dit, ma jolie, écoute-moi, je vais te la dire à mi-voix. Elle était une fille douce et tendre comme toi, tout aussi gentille, se promenait dans les bois. Et voilà soudain qu'en chemin, elle aperçoit le grand méchant loup aux abois. Ouh, cha-cha-cha du loup. Ouh, cha-cha-cha du loup. Ouh, cha-cha-cha du loup. Tu es encore à l'âge où les filles ont peur de nous. Tu es bien trop sage pour venir sur mes genoux. Mais je t'aime bien, ne crains rien, approche-toi, je ne te mangerai pas. Ne sois pas cruelle, viens dans mes bras, ma jolie. Viens plus près, ma belle, et ne tremble pas ainsi. Je ne te ferai aucun mal, je ne suis pas le grand méchant loup aux abois. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, on entend le loup qui chante à travers la voix de Gainsbourg et qui annonce l'arrivée d'Aurélien Bélanger pour sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour cher Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question du jour, la voici. À qui appartiennent les paysages? Alors, j'ai vu apparaître un jour entre Veules-les-Roses et Saint-Valery-en-Caux six immenses éoliennes et j'en ai été désolé car c'était mon paysage préféré. Mais il est vrai que j'aimais aussi depuis toujours, un peu plus loin sur la côte Laval, les quatre dômes gris de la centrale nucléaire de Paluel. Alors, j'ai fini par accepter les éoliennes, par accepter que le tranchant de la falaise soit fissuré ainsi par ces éclairs statiques